quoi reparler de ça ? Il y a si peu dont on puisse reparler. On reparle de tout. De tout ce qu'on peut. Mon cou me fait mal. Mon cou me fait mal. Ah, ça va mieux. De la mesure en toute chose. Je ne peux plus rien faire. Plus rien dire. Mais je dois dire plus. Problème ici. Non. Il faut que ça bouge. Enfin, quelque chose dans le monde. Moi, c'est fini. Un zéphyr. Un souffle. Quels sont ces vers immortels ? Ça pourrait être le noir éternel. Nuit noire sans issue. Simple hasard, je présume. Heureux hasard. Ah oui, abondance de bonté. Et maintenant. Et maintenant. Ce jour-là, le champagne rose, les verres flûtent, enfin seul, la dernière rasade, les corps se touchant presque, le regard. Quel jour-là, quel regard, j'entends des cris, chante ta vieille chanson, Winnie. La tête de Willy apparaît à sa droite, au pied du mamelon, au-dessus de la pente. Il est à quatre pattes en tenue de cérémonie. Haute forme, habit, pantalon rayé, gants blancs à la main. Longue moustache blanche, droite, très fournie. Regarde devant lui, se flatte la moustache. Il sort complètement de derrière le mamelon, s'arrête, lève les yeux vers Winnie. Il avance à quatre pattes vers elle. S'arrête. Tourne la tête de face, regarde devant lui, se flatte la moustache, rajuste sa cravate, affermit son chapeau, avance un peu plus. S'arrête, ôte son chapeau et lève les yeux vers Winnie. Ne pouvant plus soutenir l'effort de regarder en l'air, il baisse la tête jusqu'à terre. Ça, par exemple, voilà un plaisir auquel je ne m'attendais guère. Ça me rappelle le printemps où tu venais me geindre ton amour. Winnie, sois à moi, je t'adore. La vie, une dérision sans Win. Oh, quel épouvantail! Parler de chien-lit! Où sont les fleurs d'un jour? Qu'est-ce que tu as au cou? Un clou? Il faut surveiller ça, Willy, avant d'être envahi.

fin du sourire. Ils se regardent.